Shirin Nessa est une artiste vidéaste et photographe, née en 1957 à Qazvin en Irak. Elle quitte son pays en 1974 pour s'installer à New York, soit 4 ans avant la révolution islamique et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Elle étudie de 1974 à 1990 à l'université de Berkeley, où elle entreprend des études artistiques. Après 16 ans d'exil, en 1990, elle retourne lors de plusieurs voyages sur sa terre natale. Elle le vit comme un vrai choc en raison des changements entrepris par le régime des fondamentalistes, ce qui fait naître chez elle l'envie, le désir de toucher et d'exprimer l'univers des femmes de l'islam désormais caché, voilé et islamisé. De 1993 à 1997, elle réalise une série de portraits de femmes musulmanes et militantes qui bousculent intelligemment les stéréotypes sur la femme dans les sociétés islamiques du nom de « Woman of Allah ». En 1995, grâce à son travail de photographe, elle reçut le prix Art Mater. Depuis 1996, elle produit une série de films vidéo qui eux aussi questionnent sur la perception du monde musulman par l'Occident. Comme par exemple les très connus Anchorage en 1996, Turbulent en 1998 et Fervor en 2000. En 1999, ce fut l'année de la reconnaissance mondiale. Turbulent lui a valu de remporter le prix international de la 48e Biennale de Venise. Woman of Allah est une série de photographies de Shirin Nessa. Cette série est une des plus connues pour l'artiste. Elle est apparue pour la première fois en 1994. Pour cette série, la photographe utilise un appareil photo analogique, une pellicule, ainsi que du henné qu'elle utilise pour tatouer le corps de ses modèles de calligraphie et de poèmes. Pour commencer, dans cette série de photographies, toutes les femmes sont voilées et portent une arme. Les parties du corps qui ne sont pas voilées, comme les yeux, les mains, le visage ou les pieds, sont recouvertes avec des écrits. Ces photos sont toutes en noir et blanc, ce qui fait que l'on voit des contrastes. Sur certaines photos, Shirin Nessa se met elle-même en scène. Ses œuvres sont sombres et violentes. Cela fait une contradiction avec ce que les textes écrits sur leur peau signifient. Ensuite, Shirin Nessa fait passer un message à travers ses photos. Elle nous présente un discours visuel sur la difficulté d'être une femme dans l'islam et sur les conditions des femmes dans le monde musulman. On peut fortement penser que cette série est comme un appel à l'aide de la part des femmes du pays d'islam. Comme on peut aussi penser que ces femmes nous montrent leur force, leur détermination, leur fierté à travers ces photos. Elle veut peut-être briser le silence que les femmes de pays islamistes ont. Enfin, on peut dire que grâce à cette série, nous avons pu voir l'avancée de la vie des femmes dans les pays qui sont méconnus en Occident.